Voilà, donc rebonsoir à tous. Donc le premier titre qu'on avait mis, c'était les Canards Boiteux avec Venez sur la croisade, genre une palme d'or dans le cul. Et là, vous venez de vous écouter en un bon truc, hein. C'est quoi, Sarah? Exclusivité, Ricky Martin. Mondial. En exclusivité, Ricky Martin, donc je n'ai pas le titre, donc Fudard, si tu pouvais me le dire, s'il te plaît, merci. Mais attendez, mets des merguez, parce que ça chauffe sans la margarita. Quoi? Non, mets des merguez à Mexico, ça chauffe sans la margarita. Bon bah ok. Ok, donc... Alors donc au standard, l'après-midi à les trouver, ok. Au standard, c'est Manu qui vous attend au 0803 08 5000, et toujours le www.fr.radio, donc c'est Rigo qui vous y attend. Ouais, et je sais enfin combien on est. Oh merde. On était sur le premier, non? Le premier, je sais pas, mais là on est que 1322. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, ça grimpe. Mmh. Ouais. Non, mais ça va continuer. Ils n'ont pas du tout aimé le premier débat, ils sont tous partis en fait. Normal. Ben, ça, c'est pas grave. Et s'ils n'aiment pas le deuxième, ils vont sûrement tous partir aussi. Donc, le deuxième débat portera sur la chirurgie esthétique. Et pour ça, on va accueillir Tétine en plastique, où on écoute Fun Radio Limoges 92.2. Bonsoir à toi. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Ange de plomb, Montlignon 101.9. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Petit scalpel de Laval, 102.3. Bonsoir. Et Pamela Andercon, 23 ans, de Paris, 101.9. Bonsoir à toi. Bonsoir Gégé, bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Salut. Alors, première question, que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours? Bah tiens, on va demander à Pamela. Comme par hasard. Bah pourquoi? Bah alors attends, bah alors non, ok. Alors tétine en plastique, voilà, comme ça ira plus vite que. Alors tétine. Ouais, moi je trouve que c'est utile quand on a un gros pif, des gros bras, des grands pieds, enfin tu vois, quelque chose qui déconne, quoi. Voilà, je trouve que c'est utile en fait, quand tu as un accident, que tu te fais refaire le visage, des choses comme ça. Ouais, mais Ange de plomb, s'il te plaît, tu commences à te calmer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Hein? Donc, c'est vrai que, je sais pas si vous avez suivi le reportage qu'il y avait là. Sur France 2? Non, sur. Sur la 6. Ouais, sur la 6, bien sûr. Non, c'est même pas sur la 6. De quoi? Non, c'est pas sur la 6, c'était. Le canal, voilà. Le câble. De quoi? Oh! Quoi? Oh, non, mais peut-être. Non, je crois que c'était sur la 3. Non, la 3, la 3. Oh, la 3. Le Big Bill, c'est sur la 1. Hein. De quoi? Je disais, le Big Bill, c'est sur la 1. Bon, t'éteins ton micro et tu te tais, toi. Manu. Okay. Je te parle de la chirurgie. T'éteins ton micro. Manu. Merci. Dans la marche du siècle, c'est ça? Non, Ange de plomb, comme tu veux réagir. Ouais, bah écoute, tout à fait. Moi, je pense que quand on a un peu une tronche à la Quasimodo, ça peut aider, quoi, dans la vie. Sinon, c'est un handicap, quoi. Mm-hmm. Quand t'as la tronche de travers, les gens, ils te regardent de travers aussi, quoi. Non, mais ça, la question, je sais pas si tu l'as vu vraiment bien. J'ai bien compris. C'est grosso modo, est-ce que vous pensez que la chirurgie esthétique, pour ou contre... Que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours? De nos jours? Ah, à l'heure actuelle, ah bon, c'est vrai que la chirurgie esthétique au Moyen-Âge, c'était peu adapté. Ouais, c'est vrai que de nos jours, la science a fait d'énormes progrès et qu'on peut maintenant faire des trucs de fou, quoi. C'est clair. De ouf. Des trucs de dingue, hein. Petit scalpel. Salut, c'est Alliage. Salut, c'est Quentin. Salut, c'est Brian. Alors, moi, ça tombe bien que tu poses la question au GG, parce que moi, je me suis fait. Non, mais attends, il t'écoute plus, ça y est, il est parti. Il est encore barré, je pense qu'il est fou. En plus, t'es trop tricard. Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, petit scalpel. Ouais, donc moi, ça tombe bien que tu poses la question, parce que je me suis fait opérer, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Je me suis fait opérer des oreilles parce que j'étais vilain. Je me suis fait aussi opérer des doigts parce que j'en avais trop, et pour scratcher, c'est pas le top. Je me suis fait à peau sucée aussi, c'est-à-dire que j'avais trop de... Ouais. C'est bon, mal, ça, il paraît que c'est bon, ça. Ouais, la peau sucée, franchement, c'est le top. Ouais. Il t'enlève la... Ça vide bien, quoi. Il t'enlève la culotte de cheval. De quoi? C'est qui? Tu peux. Je travaille aussi dans la production et je me suis fait opérer de mon corps de pantouse, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais une voix de travail. La totale. Et je vais dire une chose, t'appelles pas de Laval déjà pour commencer. Ah, si, non, par contre, il avale bien. Non, mais il appelle pas de Laval. Ah, il appelle de Paris. PD va. 101.9. Et il s'appelle Tony. Voilà. Et ouais, c'est Tony que vous avez, que, qui se fait passer pour Petit Scaspel. C'était qui? Tony. Il est quoi? Qui s'est fait passer pour Petit Scalpel. Regardez, parce que j'ai bien répondu à la question. Gérard, en plus, attends, Gérard, c'est ce qu'il est, Tony? Et toutes les filles sont folles de lui. Avec sa voix de rocker, chaque soir, il fait un vrai malheur. C'est quand même dégueulasse après qu'il vienne sur Fun, Gérard. C'est vrai, ouais. Il est DJ sur. Alors Tony, je vais te dire une chose que... Tony, je te kiffe. Ça te fait du bien, ça, Tony. Je suis bonne, moi, Tony. Je vais te bouffer. Des petites minutes de gloire comme ça. Profites-en bien. C'est bon, clair. Bon, les sons, Tony. Pas de problème. Bon, Gérard, tu gères ton débat ou tu veux que je prenne ta paye? Pamela Anderson. Ouais, donc mon... je trouve que c'est très utile de nos jours. Alors, tu peux préciser. Grâce à ça, j'ai réussi dans la vie. Moi, j'avais une belle gueule, hein, à la base, belle gueule, beau corps, tout ça. Bon, mais attends. Un petit peu décent. Commence pas à vouloir te jouer. Ne te prends pas pour Pamela Anderson pas et n'essaye pas de te jouer la Sophie Marceau, d'accord? D'accord. Hein? Commence pas à te dire je me suis refait la gueule et tout, ceci, cela. Parce que je vais te dire une chose, que des nanas comme ça, j'en entends 20 carrément. Toute la semaine avec Fun, on entend que ça, des nanas. Je suis super mignonne et puis tout. Quand Max il dit, t'as qu'à venir à la radio, les nanas, il n'y en a aucune qui viennent. Arrêtez les nanas de nous faire croire que vous ressemblez à Sophie Marceau ou Pamela Anderson. Vous avez une belle gueule, c'était pas de ma faute. Attends. Écoute, je viens dimanche. Gérard Attends, tu viens dimanche, c'est pas moi qui t'invitera dimanche, alors... Tony l'a dit, les meufs qu'il a rencontrées par la radio, c'était des boudins. C'est faux. Tu l'as dit, mon pote, arrête. Qui Tony, il a rencontré... Non, mais ange de plonge. Comme par hasard, c'était des boudins, comme par hasard. Ben moi, je viens dimanche. Tu viendras dimanche, mais ça m'étonnerait que tu montes dans les studios. Gérard Qu'est-ce que tu penses, toi, de la question, Gérard? Alors, que pensez-vous de la chirurgie esthétique de nos jours? Je pense que c'est vrai que ça progresse de mieux en mieux, et ça devrait encore progresser plus que ça. Ouais. Donc, le chemin est long encore. Ta gueule! Personnellement, qu'est-ce que tu penses, en fait? Ta gueule! Tu dis ça. Gérard? Ouais. Gérard, sur IRC, il y a Pierre Fouras, il pense que c'est grâce à la chirurgie esthétique qu'on peut obtenir de nos jours des gens sans queue ni tête. Comme toi. Non, c'est comme lui avec ses remixes de merde. Je ne sais pas. Ta gueule, toi. Celui qui s'amuse à faire ça, ça va gerber vite fait. Donc, Gilda, s'il te plaît, tu me laisses mon micro allumé. Et tu arrêtes, s'il te plaît, merci. Il n'y a pas de problème. Alors, aimez-vous la chirurgie esthétique? Alors, 35% des gens aiment bien ça. 24% préfèrent quand c'est pimenté. Alors là... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, quelles sont les parties du corps que l'on fait par la chirurgie esthétique? Et on va demander, tiens, Pamela, comme elle a une grande gueule et qu'elle veut se croire tout permis, qu'elle veut se croire super canon, vas-y. Vilaine. Eh ben, moi, je me suis refaire les seins, puisque bon, ils n'étaient pas assez gros. Je compte me refaire des parties génitales ou génitaux, comme les pieds et les mains. Tu peux parler encore moins fort devant ton combiné? Encore, il baisse le son, c'est Manu, je sais pas. Non, c'est pas Manu. Oh, non, non. Votre pote. Gérard, assieds-toi. Oui, non, mais il vous écoute plus, votre pote. Hein. Oh là là. Non, mais il arrive, génial. Il y avait un problème. Il y avait un problème, tu vas voir le problème, on va te le régler. On va te le régler tout de suite. Bon, alors, vas-y. C'est le poirier, man. Alors, il n'y a pas de problème. Tony, encore. Filard, tu arrêtes, enculé! C'est une cascade. Attention, Manu, fais le poirier. Non, c'est pas le débat, Gérard, cher. Il est réputé pour ses cascades, Manu. Oh là là là là, Manu. Regarde, Gérard, mais il s'en fout, Max, il s'en fout, il t'écoute même pas, allez. Vas-y. Manière, tous les deux, vous avez un blâme. Putain, merde. Vous avez Alors, Pamela Anderson. Ouais, bah ça y est, c'est répondu. Alors, Tony, maintenant. Ouais, ça y est, j'ai répondu. Je t'ai dit, je me suis fait opérer des oreilles, je me suis fait la peau sucée et tout ça. Là. Bon, alors, Tony, tu dégages, au revoir. Hop, terminé pour toi. Hop. Je réponds à la question, là. Non, terminé, au revoir, Tony. Mais c'est vrai. Mais... Terminé, au revoir. Ah, au revoir. C'est pas possible. Au revoir. Anse de plomb. Au revoir. Rien faire. Putain, alors c'est moi qui me crasse, mais moi je veux le dire à Max. Mais ça y est, il est parti. Mais Gérard, il est parti. Ouais. Mais il est parti, Gérard. Ouais. Oh, il est parti. Oh là là. Oh là là, il est encore barré. Moi, attends, je vais vous mettre au même niveau que tout le monde. Là. Trop relou. Ouais. Attends, écoutez. Non, on l'entend pas, c'est con. Cool, un vrai gamin de 5 ans. Soit tu leur fais comprendre quelque chose, ou sinon on arrête les débats maintenant. Pourquoi? Attends, l'autre il est en train de faire le con avec le son. Hein, et quand je demande à Manu de virer Tony, il se la coule douce. Alors, moi c'est ça. Ou tu fais quelque chose avec eux, ou sinon Tony, on arrête les débats. Non, il y a Tony, son frère. Mais ouais. Si, il y a Tony. Il s'est fait passer pour Petit Scalpel. Ah, Petit Scalpel. Il y a deux questions comme ça. J'arrive. Gérard, tu fais salon de thé aussi, ou tu fais quoi là? Super le blanc à l'antenne, Gérard. Tu fais quoi, Gérard, après? Super. Ah, ouais, excusez-nous. Ah, ça va? Ah, non, on écoute de la zik, hein, l'autre il se barre, il va faire ses courses. Non, mais tu vois? Attends, qu'est-ce que tu mettais là? C'est. Sur énergie. Non, mais vas-y, depuis tout à l'heure. Toutes les filles sont folles de lui. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je travaille comme ça, moi? Il fait un vrai malheur. Oh, mais attends, c'est l'antenne de. C'est la machine de l'antenne, non, ça. Non, non, non. Tu me laisses ça éteint. Mais t'es fou, c'est pour le Seb et tout ça après. Pénible, ça. Bon, Gérard, putain, mais sans déconner, allez, là. Oh, tu parles pas comme ça. Tu mets ton casque et tu bosses, là. Allez. Oh, Bertrand. Une fléchette. Vas-y, mais assis-toi. Oh là là là là là là là là là. On peut pas bosser, hein. Gérard. Arrête, putain. Il va assis-toi, reprends les auditeurs. Attends, ça se passe bien, écoute, là. Ah, c'est super, en plus, le débat, ce soir. Et moi j'ai appris deux trucs. C'est que Gérard, il se fout les doigts dans le nez assez souvent. Et que il sait pas parler devant son micro. C'est tout ce que j'ai appris ce soir pendant le débat. Mais moi je t'emmerde, espèce de connard. Alors Tony est viré, donc en plomb, donc pour toi. Oh bah, je sais plus, moi, avec tout ça, j'ai oublié la question. Bon, alors je te la répète. Quelles sont les parties du corps que l'on fait par la chirurgie esthétique? Je dirais biceps, triceps et forceps. Ouais, c'est ça... les parties les plus usitées. Ouais, si on veut. Tétine en plastique. Ça va des cheveux aux orteils. Hein. Tu peux tout te refaire faire. Ouais, mais ça. La longueur de la bite. Alors, c'est pour te dire que t'as toutes tes chances. Ouais, parce que ton copain, il avait une petite bite et puis il se l'est refait faire, c'est ça? Non, on parle de quoi? Copain, il a une bite énorme et il a pas besoin du tout de se la faire refaire. Ah bon. Qui c'est qui m'a. Vous voyez. GG, c'est en champlon. Est-ce que le dentiste, c'est considéré comme de la chirurgie esthétique quand il te manque des chicots, par exemple? Bonne question, ça. Non. Si tu manques 3-4 chicots, bah quand même, ça te défigure un peu quand il. Non, mais même. Non, ça c'est pas pareil. T'as l'air malin quand il te manque des dents, franchement. Ça a rien à voir avec la chirurgie esthétique par rapport au corps. Ouais, mais ça arrange bien la gueule quand même d'avoir toutes ses dents. Ouais, mais ça dépend. Sur les photos, ça fait mieux quand même. Ouais, faut pas sourire, quoi. Ouais, sur les photos, ça fait mieux quand même. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, je vais vous répondre. Donc, quelles sont les parties du corps que l'on fait par la chirurgie esthétique? Donc, c'est vrai que en première de manière, c'est les seins, la figure, le nez, ça c'est les oreilles. J'ai vu ça sur dans le reportage. Et il y a beaucoup de personnes qu'on recourt aux fesses. Et je me demande vraiment pourquoi, parce que t'as pas besoin de te refaire les fesses pour plaire à quelqu'un. C'est pour chier droit, je crois. Ouais, et il y a Dr Schkumoun sur l'IRC, il me dit que tu t'es fait refaire le cul, mais pas dans une clinique. J'y réponds même pas parce que c'est des conneries de merde. Alors c'est même plus j'ai des photos. Hein. Alors, êtes-vous satisfait du résultat par la chirurgie esthétique? Alors donc, pourquoi Pamela Anderson? S'il te plaît, ta fréquence, bon 92. Ok, je te remercie. Merci Gérard. Alors, Bon ben, bah tiens, justement. Alors, répète-moi la question, s'il te plaît, parce qu'il y a eu le du standard, s'il te plaît. Ah non, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, tu demandes quand tu passes au standard, tu demandes à ce qu'on te la, non, ce qu'on te la dise. Est-ce que tu es satisfait quand il te faut opérer, gamin? Est-ce que je... calme, s'il te plaît. Tétine en plastique, tu te tais, s'il te plaît. S'il te plaît. Pardon. Est-ce que je suis satisfait quand je me fais opérer? Oui. Êtes-vous satisfait du résultat par la chirurgie esthétique? Moi, bon, personnellement, j'ai pas eu grande satisfaction parce que lorsqu'à ma naissance, j'ai eu une échographie, on m'a repéré une moustache et trois dents. Mais je n'ai pas refuté ceci. T'as raison. Je n'ai pas été satisfait. D'accord. Pamela Andercon. Ouais, moi aussi, j'ai pas du tout été satisfaite. Je voulais me faire refaire les seins. Et eu un problème, c'est qu'ils ont refait un seul sein. Parce qu'en fait, j'avais pas assez d'argent. T'as les gros seins, toi? Non, j'en ai qu'un seul qui est gros et un qui est... Menteuse. Non, mais ça, on donc, a un c'est assez difficile, hein. On rigole, mais allez trouver un soutien-gorge. Ouais. C'est d'un côté 95D et de l'autre côté 80A. Attends, là, il y a un truc qui va pas. Attendez. Attendez avant que Onze de Plomb et Tétine en plastique répondent. Déjà, Pamela, un petit truc, truc qui va pas. Attends, il y a quelqu'un qui jouit. Pour l'instant, ils vont se calmer parce que ça vient d'ici. Non. Elle est plantée dans le bureau de prod et elle se met à jouir. Ah, ça jouit. Je suis bonne, moi. Rappelle ta gueule, merde. C'est pas Apolline, ça, c'est quelqu'un qui imite Apolline, ça. Moi, ça m'étonnerait. J'ai pas trouvé à pour. Alors, donc, pour répondre à Pamela, donc, normalement, déjà pour commencer, ta réponse, je l'ai pas trop compris parce que ça me semble louche. Je te réexplique. Non, mais je sais, tu t'es fait refaire un sein au lieu des deux. Ouais. D'accord, et t'as pas été content du résultat. Ouais. Merci, Pilda, pour m'avoir coupé le micro. Non, c'est pas toi, presque c'est une pas. Coupure. C'est ça. Alors donc, moi je peux te dire une chose. Déjà, pour commencer, normalement tu devrais demander à la Sécurité sociale une prise en charge. Fildin, s'il te plaît. C'est pas moi, c'est des micro-coupures. Tu arrêtes. Parce que tout à l'heure, tu vas te prendre le stylo dans ta gueule encore. D'accord. Hein? Oui, Gérard, ça m'intéressait ta réponse. Donc, déjà, pour commencer, tu aurais dû demander une prise en charge par la Sécurité sociale. Et de deux, quand t'as été faire, te refaire le premier sein, normalement, ils t'en font pas qu'un, ils t'en font deux d'un seul coup. Donc, là, la réponse, je vais te dire une chose, que tu paies du 95 sur un côté, c'est bien ce que t'as dit. Ouais. Hein, et de l'autre côté, tu paies du 80, 85. Non, 80. Toi, du 80. Toi, non, mais attends. Non, mais il y a quand même un truc qui ne va pas, c'est qu'entre le 90 et le 85, il manque quand même 5 cm. Ouais. Non. Ouais. Non. Ah si. Il faut faire une apposition, là. Entre 90. Entre 90 et 85, ça m'étonnerait qu'il. Je sais pas si tu viens de parler, mais je voudrais bien qu'on me fasse une apposition. Non, non, mais. Ange de plomb. Ouais, bah écoute, quand tu veux. Moi, je suis pas satisfait. Parce que je suis bancal comme un vieux rocking chair, quoi. Donc j'ai été opéré et, parce que j'avais eu un petit problème. Et ils t'ont fait une jambe de bois? Et ouais, non, c'est pas tout à fait ça, quoi. Mais bon, ils m'ont légèrement rectifié. Et je te dis, je suis bancal comme un vieux tabouret, quoi. Donc, ils t'ont mis les cornes de figure. Je suis pas content, quoi. C'est un accident de sport, en fait, quoi. Ouais, non, mais de toute manière. Ils t'ont mis les astéro-H. Fildar, quoi encore? Troisième fois, tu vas dégager. Je sens que tu vas dégager et ça va être Olivier Delapro qui va venir. Ouais, c'est pas possible. Je le sens. Non, mais ça peut être déjà trois avertissements. Attends, Manu, depuis tout à l'heure, il fait que des conneries, non, tu dis rien, quoi. C'est toi qui fais que des conneries, c'est pas Manu qui est à l'arrière. Tétine en plastique. Oui, Gérard, moi je me suis fait refaire les genoux parce que j'avais les genoux cagneux. Ah. Et ça faisait pas joli du tout, je pouvais pas mettre de mini-jupe, donc je me suis fait refaire pardon les genoux. Maintenant j'ai de très beaux genoux. Ouais, mais est-ce que t'es satisfaite du résultat de la chirurgie esthétique ou pas? Tout à fait, puisque je n'ai aucune cicatrice, vu qu'ils sont passés. Ah ouais, mais attends. Il te reste des broches ou pas dans les jambes? Non. En fait, attends, Tétine en plastique, réponds pas à la question à Pildar, parce que c'est non, pas Pildar. Non, c'est intéressant. Non, mais attendez, ça c'est pas. Tétine. Oh! C'est pour ça que Gauthier veut te brancher, c'est pour ça. Ange de plomb, vous fermez vos gueules, s'il vous plaît, merci. Les broches en plastique, en fait, j'ai des trucs en plastique et c'est pas des broches en fer. Non, mais attends, tétine en plastique. Hein. Oh non, mais c'est pour un film d'art. Bon, ouais. C'est une question pertinente. Tu me vires Ange de plomb et. Terminé. Allez, hop, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Terminé. Terminé pour eux deux. Terminé, terminé, terminé, au revoir. Donc, tétine en plastique. Donc, là, apparemment, t'es satisfaite du résultat. Tout à fait. Bon, ça, c'est vrai. C'est vrai que la question, de toute manière, je vais sûrement en parler sur ce que tu viens de dire. Mmh. Donc, tu parles des séquelles. C'est ça que tu voulais dire, à peu près. À peu près, ouais. Ouais, bah, donc, ça sera une question que, qu'on abordera par la suite. Moi, je peux te dire une chose que, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique encore. T'en as grand besoin, tu devrais. Ouais, mais ça, ça dépend parce que ça dépend aussi de l'argent qu'on a, qu'on peut disposer. Mais tu voudrais faire quoi, Gérard? Un chercheur bénévole qui te ferait ça gratos. Non. Gérard, tu voudrais te refaire quoi? Pour l'instant, j'ai aucune idée encore en tête. Un cervelet. Toi, tu promets de te refaire ta gueule et ça vaudra mieux. Ouais, hein, que de nous dire de dire des conneries sans arrêt. Non mais Gérard, si tu devais te faire refaire quelque chose, tu ferais quoi? Les pectoraux. Non parce que. Les yeux, la bouche, non. Les dents. Les packs de gros. Il y en a un, il ferait mieux de se refaire faire sa gueule. Non, mais moi, je peux te dire une chose que personnellement, pour l'instant, je n'ai pas recours à ça et j'ai pas eu de résultat. Ah. Bah oui, c'est normal, t'as rien fait encore. Ah. Donc, alors, avez-vous déjà eu. Les dents sur pivot, c'est tout. Voilà. Avez-vous déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Alors, 60. C'est un sondage. C'est un sondage que j'ai. Donc, 67% des gens, jamais. 24 toujours. Et 11% ne s'en rappellent pas. Ah, l'amnésique alors. Ah ouais. Non. Alors, quatrième question avant la pause musicale qui va arriver. À quel niveau que la chirurgie esthétique est-elle prise par la carte vitale? Alors déjà, pour bien se dire, oui, Non, Manu. Vas-y, fini, après j'accueillerai deux auditeurs. Non, vas-y. Donc on accueille Kyste Bionique, 30 ans, de Montmoignon, sur 97.3 FM. Salut. Bonsoir, mes Kyste. Oui. Bonsoir. Et on accueille quelqu'un qui pratique la chirurgie esthétique. En fait, c'est le professeur Monsgeig, 35 ans de Paris, 101.9. Bonsoir, professeur Monsgeig. Bonsoir. 101.9. Bonsoir, je suis professeur à l'hôpital Boussicaut de Paris. Bon, alors, déjà, t'évites de dire le nom de l'hôpital où tu te trouves, d'accord? Pourquoi? C'est quoi? C'est pas de la pub, ça, non. Gérard. Non, mais ils n'ont pas besoin de préciser les noms des hôpitaux, d'accord? Alors, terminé. Donc, alors, à quel niveau que la chirurgie esthétique est-elle prise par la carte vitale? On va demander à tétine en plastique. Je n'en ai aucune idée, Gérard. Mais ça, je vais vous dire une chose. Déjà, la carte vitale, pour l'instant, c'est... C'est quoi la carte vitale? C'est une carte de sécurité sociale qui va remplacer les cartes qu'on a à l'heure actuelle et qu'on va donner, qu'on donnera aux médecins. Mais pour l'instant, sur Paris, les médecins ne sont pas encore équipés de ce système-là. Oui, Manu. Est-ce que tu crois qu'on peut s'en passer de la carte vitale? Non, parce que de toute manière, elle a été attribuée d'office. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ben, moi, je l'ai. Ah, c'est vital. Non, mais... Merci. T'es content de ta connerie? Tu vois, les auditeurs, ils sont en train de se foutre de ta gueule. Ouais, c'est clair. Tu crois qu'un jour, je pourrais être... Et toutes les filles sont folles de lui. Ça va claquer. Ça va claquer. Oh, Gérard, Gérard, viens t'asseoir. Gérard. Après, tu vas t'enculer, va. Oh là là. T'es vraiment un enculé, toi. Oh, arrête un peu. Il l'a défoncé. Mais tu laisses le matos, c'est pas à toi. Non, mais tu vires. Tu vires si tu veux plus dans les studios. Moi je vais aller faire l'area, sinon on va jamais s'en sortir. Mais non, c'est bon. il vire. Mais allez, c'est bon. Gérard, allez. Alors, tétine en plastique. Oui, Gérard, bon, je te disais, je sais pas. Parce que moi, les genoux, c'était à ma charge. Tu éteins ça. Ça y est. Espèce de branleur, va. Il a vérifié s'il marche, vu que tu l'as peut-être pété. Bah ouais, surtout que ça coûte 25 000 balles, tu feras encore un prix. Pauvre con, sur 10 000 ans, hein, celui-là. Ça, t'as raison. Tétinoplastique. Oui, Gérard, les genoux ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Par contre, ce qui est remboursé, c'est ce qui est vital, par la carte vitale, tu vois. Non, mais attends, parce que déjà... Pour... un organe, par exemple, qu'il faut que tu changes, effectivement, tu le fais, quoi. Non, non, mais faut bien se dire une chose, que déjà, la carte vitale, on ne sait pas si elle est prise en charge. Si dans les hôpitaux, ils sont amenés à avoir le matériel nécessaire. Déjà chez les médecins, ils l'ont pas encore. Parce que moi j'ai été voir un médecin il y a une semaine à peine. Il était pas équipé du système de carte vitale. Non, c'est-à-dire qu'en France on n'est pas encore équipé du système. Ouais. Moi je travaille dans un hôpital. C'est qui? C'est le professeur Monsgeig. Ouais. Et donc on n'accepte pas les cartes vitales pour l'instant. C'est les cartes de sécu, les cartes Paris Santé, les cartes comme ça. Non mais ça c'est vrai que pour maintenant que ça va être c'est mis au point par la sécurité sociale et que ça a été distribué chez les gens. Bon ouais. Allez hop, hop. Oula. Ah, faut continuer. Oula. Il va revenir. Ouais, partez bien, là. Il va boire un verre d'eau. Tu vas boire un verre d'eau? Tu vas boire un verre d'eau? On t'écoute, vas-y. Allez, c'est reparti. Attendez. Écoutez, il y a une... Terminé. Il y a une règle. Je travaille pas avec deux connards. Pile d'art qui s'amuse à renifler comme un porc. Manu qui est en train de parler sur quand je parle. Alors moi, c'est terminé, je ne travaille pas comme ça. On arrête les débats. Ah bah non. On arrête là maintenant, je me casse. Ah bah non, où tu te casses, déjà c'est moi qui te ramène. Et attends, dans ce cas-là, tu demandes à ton connard là de te ramener comme il faut. Hein? Oh! Faire du bruitage. Arrête tout! Et ça pour me le débrancher, j'en veux plus lors de débat. Parce qu'il s'amuse avec. Allez. Et là-bas, il met à son micro parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà. Hein? Putain, je pourrais jamais être DJ sur l'énergie alors. Ouais, toi, tu es le DJ de telle heure et tu m'as mis dans ta gueule. Ah, c'est la dernière fois ton que micro, Gérard. C'est bon, on peut bosser. Ton micro, on peut en faire des blancs. Tu mets ton micro. On peut faire du et boulot, toi, on peut toi. Bosser ou pas là, c'est bon toi, pour l'instant, tu t'écrases, c'est pas tes débats. On peut bosser maintenant, c'est bon. Alors, qui c'est qui voulait réagir? Ouais. C'est le professeur là. Ouais, vas-y. Ouais, donc vous étiez. Barré comme un con là. Ta gueule, toi, t'as qu'à arrêter de foutre ta merde aussi. T'as qu'à arrêter de te barrer, on avancera dans les débats, et nous faire chier à chaque fois, les demander à masse. Ta gueule. Oh là là, la speech, là, sur la carte vitale. C'est vrai, on s'amusait bien là, on parlait de carte vitale, c'était intéressant, et toi, tu vas faire chier ton monde à te barrer là, comme un gamin. Espèce de branleur, va. C'est toi le branleur. T'en branles pas une. Allez-y, les auditeurs. Professeur. Oui, donc on parle de la carte vitale et des hôpitaux. La ligne de votre correspondant est interrompue. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. C'est bordel, là. Bon. C'est bon. Bah, docteur Monsgeig, allez-y. Non, professeur Monsgeig. Ouais, bah, docteur, professeur, de toute façon, c'est charlatan. Avec le docteur Anne deux. Un peu de respect. Donc, Kiss, tu te calmes, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as dégagé. Ouais, reste tranquille. Donc, vous parliez de la carte vitale. Qu'en fait, les moyens que le ministère nous donne dans les hôpitaux, ça nous permet pas d'accepter la carte, parce que c'est une machine à carte, si vous voulez. Ouais mais faut se dire une chose, qu'en fin de compte, c'est la sécurité sociale qui a demandé à ce que maintenant que tous les gens aient cette carte vitale. Mais maintenant, c'est vrai que maintenant, il y a certains médecins qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. C'est vrai. Ouais, attends, mais ça, pose dire une chose. Ouais, attends, 5 minutes, Kista. Ouais. Pour répondre à la question, parce que c'est vrai qu'on pourrait en finir vite, on pourrait continuer le débat sur cette histoire-là. C'est vrai que la carte vitale, maintenant qu'elle a été attribuée, maintenant savoir si tout le monde est équipé, parce que c'est un genre de carte à puce, donc c'est mis sur ordinateur. Non, carte à puce. Oh, bon, alors, qui se t'envoie carte à puce. Pourquoi? Parce qu'on essaie de faire un débat sérieux, là, avec des gens cultivés. J'ai le droit à l'erreur, non? Non, non, mais ça peut être déjà deux fois que tu t'amuses à vouloir jouer les gros bras, alors au revoir pour toi. Je vais me calmer, non, au revoir. Au revoir. Eh ben, tu vas te calmer avec Manu au standard, il va te calmer. Voilà. Ça y est, je l'ai calmé, ouais. On accueille Kiss Bionic. Bonsoir. C'est encore le même. Bah oui, je l'ai calmé. Ouais, bah tu t'as même pas décroché ton téléphone, espèce de con. Non, mais ça va vite. Mais je le connais. Allez, hop. Tu m'en donnes, on y va. Vas-y, Rigo. Il m'a bien calmé. Ouais, donc sur IRC, il y a Dan, il dit qu'en fait, comme Elephant Man a réussi, grâce à la chirurgie esthétique, à devenir rock voisine, il dit que t'aurais peut-être la chance de devenir Vandamme et que ta belle devienne Laure Sinclair. Enfin, non, faudra payer assez cher quand même. Non, mais ça là-dessus. Beaucoup de drogue peut-être. Non, mais ça là-dessus, faut pas commencer à jouer sur des stars du cinéma et de la chanson. Parce que ça a rien à voir avec la chirurgie esthétique. Plein de champis. Pas mal à Anderkon. Ouais, la carte vitale, je connais pas trop, hein, parce que je vis beaucoup en Amérique. Non, mais attends, Pamela, moi je vais te dire une chose, tu es sur la région parisienne, normalement tu dois l'avoir. Non, je suis ici quelques temps, mais je retourne. Non, mais attends. Dans 2 weeks, I'm returned in England. Jean. Yes, if you know them. Bon, Manu. Oui, dis-lui au revoir. Kiss. Ouais, bah écoute, moi je trouve ça scandaleux, je voudrais que le professeur Mitoma nous explique pourquoi ils prennent pas la carte vitale. Je veux dire, il n'y a aucun respect du patient, et voilà. Non mais attends, Tiste, toi t'habites du quel côté déjà, toi? Moi j'habite plutôt du côté droit, donc dans l'Est. Mais c'est normal, ils ont rien. Attendez. Donne-moi le nom de la ville précise. C'est Montmoignon, c'est près de Strasbourg. Bon, alors attention, déjà sur la région de Strasbourg, ils sont déjà, les médecins sont déjà équipés avec le système pour la carte vitale. Ouais, je suis désolé. Ouais, ah bah, je sais pas, moi l'autre fois, j'ai été voir un médecin. Et tu lui as dit que tu étais avec une carte vitale, donc il t'a dit non. Bah, il a pas voulu la prendre, ouais. Et normalement, il était équipé. C'est un débat sur la carte vitale ou sur la chirurgie esthétique qu'on fait ce soir? Non, non, mais justement, on va s'arrêter sur cette question-là. Oui. C'est chaud brûlant. Je voulais dire qu'on allait accueillir Aléop, qui a 22 ans et qui appelle de Neuilly. Il y a un fantôme. Il y a combien de lignes ce soir? Non, mais c'est le fantôme. Bonsoir Arnette qui ne m'a pas hébergé. Ça, c'est du private. Ah, ta gueule, Mégane. Oh, alors attention. Alors, Mégane et 40 bars, vous dégagez. Ça y est, il est parti. Hop, et Mégane avec cette petite. Non, c'était Pamela machin. Trop triste. Ouais, mais je l'avais déjà. Je l'avais remis, j'ai compris. Ouais, alors terminé. Hop, terminé pour ces deux-là. Alors, tu travailles pour moi. Moi, je suis un ninja, de toute façon. On loue des toits. Oh! Tu me donnes le disque parce que là vous êtes en train de me faire de la merde. Vous êtes deux peignants là, mais vous commencez à me foutre de la merde. Là t'es en train de me faire du double son, donc ça commence à bien faire, j'arrête. Hop, on voit le son de quoi? La question c'est devrait-on consacrer plus de reportages à la chirurgie esthétique? On se retrouve tout de suite après avec. Attends, ça vient. Hein. Ouais, ça devrait être prêt avant. Bah attends, oh. Et on va se retrouver avec les petits toubibs. C'est les petits toubibs avec Je me suis fait siliconer les kystes. Et on se retrouve tout de suite après. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc c'était pas le titre que je vous avais annoncé, les petits toubibs avec Je me suis fait siliconer les kystes, mais Alango. Voilà, merci Fildard de m'avoir donné des potites comme d'habitude. Et pour ça, on va récupérer. Qui c'est qui nous reste? Ah bah merde! Il me reste plus que Kiss et le docteur. Non, il y a Tétine en plastique aussi. Non, c'était Megan. Mais non, c'était Pamela Anderkon. Alors donc, il nous reste Tétine, petite Tétine, pardon. Oui, rebonsoir Gérard. Rebonsoir à toi. Ah, Kiss Bionic. Oui, tout à fait, je suis là. Voilà, le professeur Monsgay, Kist. Et on accueille le quatrième participant. C'est donc le capitaine Crochet, 23 ans de Parthenay sur 104.9. Bonsoir. Bonsoir, capitaine Crochet. Bonsoir, sur la fréquence 104.9, ok. C'est les pirates. Monsgay. Alors, donc la question, vous l'avez entendu. Tu l'as entendu, capitaine Crochet? Ah non, désolé. Alors, devrait-on consacrer plus de reportages sur la chirurgie esthétique? Je pense pas. Pour l'instant, Fildar, t'es pas auditeur pour l'instant. Tu coupes ton micro. Ah mais c'est vrai, je me demandais alors, pourquoi. Petite tétine. Pourquoi nous on répond jamais? Bah, je pense c'est pas. Vrai. Ouais. Mais je voudrais bien avoir l'avis de Fildar et Drigo. Ouais, c'est vrai, de Manu. Et de Manu. Non, on n'a pas envie de le donner. Alors, petite tétine. Question. Ah si, maintenant j'ai envie. Alors, vas-y, Filou. Oh non, c'était j'ai quoi, plus la question. C'était quoi la question, Filou? Répète la question pour l'équipe. Oh, ça y est, vous foutez pas de ma gueule un peu là, les auditeurs. Bon, Filou, est-ce que tu crois qu'il y a assez de reportages à la télé? Non, je pense parce que en fait, je préférerais peut-être aller bosser sur Skyrock parce que je serais peut-être payé. Bon, alors tu fermes ta gueule, d'accord, connard. Laisse tomber, Philo, je vais rappeler Arnold. Il n'y a que l'énergie qui paye, hein. Bon, ça y est, quand vous aurez fini de dire les noms d'antenne, je pourrais continuer mon débat, là, les deux branleurs. T'as l'antenne avec quatre râteaux, t'as aussi l'antenne parabolique. Ouais, l'antenne de Sibi. Sibi aussi, ouais. Ouais. Ouais. T'as la parabolique, 6 mètres. Ouais. Enfin, t'as pas mal de trucs, genre. T'as quoi chez toi? T'as combien de râteaux? Télescopique. Par contre, au niveau d'NPA2, appelez. Ça y est, vous avez fini vos conneries là des... Ouais. Alors les auditeurs ont les auditeurs ont la parole maintenant. Petite tétine. Ouais, mais Rigaud n'a pas répondu. Je pense que on n'a pas assez approfondi le terme du débat, non, le sens du débat. Avec toi. T'es pas d'accord? Non, mais là on peut pas faire de polémique comme ça. Attendez. Rigaud, tu peux approfondir? Ça dépend en fait. Ouais, elle est difficile. Mais qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Si c'est chez GG, je mets des gants moi. Ah ouais, direct. Ah, une combinaison même. Oui, tu mets un masque, ouais. Tout à fait. Il y a un chat déjà sextant. C'est quand même mieux quand il gueule pas. Hein. C'est vrai. Ça gueule pas, pas d'insultes, y a rien. Y a un petit stylo qui vole. Ouais, t'as pas entendu? Non. C'est des trucs qui volent, si on entend. Il a un stylo, j'ai jamais vu ça, il fait au moins 15 kilos. C'est une horreur. Quand tu te balances, tu t'en prends plein la tête. C'est pour écrire avec une main bionique. Quand tu te le prends dans le bras et que le stylo se démonte en deux, ça fait mal, c'est une horreur. Il en a 4. De couleurs différentes et d'odeurs différentes. Alors, petite tétine. Oui, Gérard. Maintenant que t'es contente de tout ce que l'équipe a dit, maintenant tu vas répondre. Tu vas répondre à la question. Ouais. Bon, alors, t'as ta moitié endormie. Au revoir. Au revoir. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Au revoir. Petite tétine, écoute, elle te répond, Gérard. Je trouve justement qu'il y en a trop parce que ça pourrait donner des idées à des petites filles de 10 ans, tu vois, par exemple, qui voudraient se faire faire la bouche ou le nez comme Barbie. Et je trouve que ça pourrait leur donner de mauvaises idées. Tu sais, on a vu des reportages il n'y a pas longtemps, Ken et Barbie, machin. Tu te souviens? Non, mais ça, de toute manière, des reportages, si, au contraire, il en faudrait peut-être un peu plus. Bah, moi, je trouve qu'il en faudrait moins. Non, moi, je dis qu'il en faudrait plus parce que ça... Elle a le droit de donner son avis, quand même. Voilà, ouais, moi, je dis qu'il en faudrait moins. Bon, Kist. Ouais, bah écoute, c'est vrai, les reportages, il en faudrait plus. Moi, le reportage sur Ken et Barbie, je l'ai vu aussi. C'est vrai que c'était super instructif. Je sais pas, je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient besoin de se faire refaire la gueule et on n'en parle pas assez, quoi. Je veux dire, c'est un phénomène de société, tu vois ce que je veux dire? À l'heure actuelle, regarde, le matin, tu te lèves, tu te vois dans la glace, direct, qu'est-ce que tu penses? C'est rejet esthétique, non? T'es d'accord avec moi? Pas spécialement, non. Non, pas spécialement. Mais tu devrais. Ouais, je pense quand même. Tu me nettoies ce vilain kyste et ensuite tu fais ton débat. Voilà. Qui c'est qui vient de sortir ça? C'est Polo. Je sens que tout à l'heure il y en a qui vont gerber. J'ai l'impression. Non, mais c'est vrai que je peux répondre, c'est professeur Monsgeg. Ouais, bah alors, au revoir. Bah non. Terminé pour professeur Monsgeg. Non, pas du tout. Hein. Terminé. Au revoir. Au revoir. J'ai pas compris pourquoi, mais. Ouais, pourquoi, non, mais c'est bien parce que ce qu'il a dit, t'avais qu'à écouter. Je vais répondre à la question là. Non, mais c'est terminé pour toi. Au revoir. Capitaine Crochet. Ouais, mais je trouve qu'il y en a trop aussi. Tu peux préciser? Je trouve que, il y en a trop parce que j'aimerais plus souvent voir des émissions telles que le Big Deal, tout ça, mais comme par hasard, on est coupé et on voit des reportages sur la chirurgie esthétique, c'est pas du tout intéressant. Je veux dire une chose, alors déjà pour commencer. C'est faux parce que les reportages sur la chirurgie esthétique ne passent pas à 19h mais très tard dans la nuit, c'est-à-dire. Et une fois, il y avait un flash spécial, je regardais le Big Deal. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était gagné. Non. Que Gérard qui regarde le Big Deal, vous devriez le savoir. Non, mais ça, pour l'instant, t'es une menteuse et c'est tout. Donc, les menteuses comme toi, j'aime pas ça. Ouais, Gérard, je voulais juste dire à l'antenne, parce qu'il y a une certaine Apolline pute de fan sur IRC qui arrête pas de dire Gérard, mets ton dard dans ma chatte, etc. Donc, peut-être qu'elle arrête, quoi. Elle est dans un bureau tout à l'heure, que si je l'attrape, je lui mets deux claques dans sa gueule. Ça aurait pu faire tout drôle. Mets ton doigt dans ma chatte. Ta gueule, salope. C'est bon, moi. Alors, moi, je peux vous dire une chose, qu'on devrait consacrer plus de reportages parce qu'on n'en voit pas assez et c'est malheureux. Et c'est vrai, regarde, moi, je pense que si on s'habituait à voir des reportages, on s'habituerait à voir des gens déformés, Et donc forcément, bah, ta vie en société, elle sera facilitée, j'en suis sûr. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai que les reportages, on n'en voit pas assez. Ouais. Et pourtant, moi, je vais te dire une chose, que le reportage qui a été fait là sur François il y a pas longtemps, moi, je peux te dire que quand j'ai vu la deuxième partie, parce que c'était la deuxième partie quand même qui était la plus dure. Ouais, c'était chaud. Hein. Ouais. Par rapport à la première, ouais. C'est que fallait voir les gens. C'était des hommes. En fin de compte, justement, la question allait là. Donc je vais répondre en même temps que vous. Donc y a-t-il plus de femmes que d'hommes qui ont recours à la chirurgie esthétique? Ouais. Donc alors petite tétine. Plus de femmes. Ouais, mais il y a aussi des hommes, parce que je vais te dire pourquoi après. Oui, et bah je pense que c'est avec Kist. Ouais, on se comprend, ouais. Donc, je pense que. On va pas donner la réponse tout de suite. Non, mais. Laissez-nous languir encore. Vas-y, petite tétine alors. Je te dis, il y a plus de femmes que d'hommes. Si tu veux, d'accord. Ouais, okay, Kist. Non, mais on va voir. J'ai pas donné la réponse. Tu veux que je donne la réponse, parce que tu sais, moi j'ai vu l'émission. Hein. Non, mais attends, on va les laisser tous voilà, passer. On va les laisser, puis après on dira la surprise. Voilà. Mmh. Voilà. Capitaine Crochet. Ouais, moi je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes, puisque souvent il y a des hommes qui font la chirurgie esthétique pour devenir des femmes. Ça s'appelle des travelots. Ouais. Et il y a des femmes qui font la chirurgie esthétique pour devenir des hommes. Ça s'appelle des drag king, je crois. Drag queen. Ouais, voilà. Et alors, moi je veux dire. Oh, c'est un débat. Alors, la question que j'attendais, apparemment, Kist a touché deux mots. Kist, donc, en fin de compte, la chirurgie esthétique, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? En fin de compte, il y a autant de femmes que d'hommes, parce que faut se dire une chose, que les femmes, la plupart du temps, ce qu'ils se font faire, c'est les fesses, les seins, et ça, j'ai le reportage, je l'ai vu, le nez. Et les yeux. Attendez, on récupère. À la place du professeur Monsgate qui est parti, on accueille le moche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le moche. Bonsoir. La fréquence 99.9. Je crois que c'est son anniversaire en plus. C'est vrai. Non, mais j'en ai rien à foutre. Allez, Philippe, fais péter. Anniversaire le moche, joyeux anniversaire le moche, joyeux anniversaire le moche, joyeux anniversaire. Merci. T'as quel âge le moche? Merci, j'ai bientôt 40 ans. Oh là là, ça file. Donc, pour répondre à la question. Ouais. Donc, pour répondre. Ça me déprime un peu d'avoir bientôt 40 ans, et c'est vrai, puisque tu me le demandes, Gérard. Ah, c'est pas moi qui te pose la question, c'est une nana, d'accord? Et voilà, c'est vrai qu'on se sent vieillir. J'ai deux ou trois petits problèmes de kyste, des conneries, quoi. Amélie, quoi. T'as ta libido qui s'affaisse. Ben voilà. T'as des crocs. T'as du mal à te dilater. Des varices. C'est pas très beau. Capitaine Crochet, petite tétine, pour l'instant, il n'était pas là. Le débat allait bien se passer. Donc, c'est pas parce qu'il y a le moche qui est arrivé qu'on va commencer à foutre la merde. D'accord? Pas de problème. Alors, donc, pour revenir à la question, je disais donc qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai qu'il y a plus de femmes et d'hommes. À mon avis, c'est 50-50 sur la chirurgie esthétique des deux côtés. Pour les femmes, c'est le nez. Les seins, la figure, les fesses et les oreilles. Et chez les hommes, il faut se dire une chose, que c'est suite à des accidents, et ça le kyste peut très bien le confirmer, parce qu'il a vu le reportage. Le kyste, je suis toujours là, j'ai pas bougé. Et faut se dire une chose, que le reportage, le deuxième reportage, était dégueulasse à voir, parce que c'était des mecs qui ont eu des accidents de la route qui étaient complètement déformés, n'est-ce pas? Avec quoi? Avec le camion sur le verglas. Alors toi, petite tétine ou capitaine Crochet, encore une connerie comme ça et je vous vire toutes les deux. Mais Gérard, il y a des gens célèbres qui ont fait de la chirurgie esthétique que tu connais en dehors de Pamela Anderson, Herbert Leonard, non. Tout ça, non, t'en as une là, comment que tu l'appelles? Kist. Sylvie Joly. Non, Kist. L'italienne là. Lolo Ferrari pour voir elle. Nilda Fernandez. Ta gueule toi, laisse-le tranquille, Nilda Fernandez, espèce de PD. C'était une italienne, une femme. Non, c'était un homme avant. Ouais, c'est une femme maintenant. Non, ça a toujours été un homme. Non, c'est un mandalire maintenant. Un hermaphrodite. Putain, fermez vos gueules un peu, là. Alors, Rocco aussi. De toute manière, faut se dire une chose que... Pamela Anderson, qu'est-ce que je sors l'autre, là, comment tu l'appelles la chic... La gaffe. Pauvre con, va. T'es vraiment une pute, toi, là-bas, éteins ton... Mais tu sais que... Éteins ton micro. Il s'est fait greffer une bagouze. C'est ça, t'as raison. Une bagouze, un chirurgie esthétique de ouf. Et un crâne chaud. De toute manière, on va bientôt faire émission. On va faire une conclusion dans peu de temps. Ah, c'est super. Vu le bordel, ça commence à me gonfler. D'habitude, les baignoires, d'habitude, Rigo, tu me faisais du bon boulot. Ah, mais là, t'arrêtes pas d'insulter tout le monde, laisse tomber. Pour l'instant, t'es en train de suivre les deux espèces de câbles. Tu vas dans les baignoires et puis tu te fais pécho. Je vois pas où est le rapport avec le débat. Donc, celle qui s'est fait refaire aussi les seins, c'est... Merde, comment qu'on l'appelle, là? Lolo Ferrari. Ouais, voilà, Lolo Ferrari, faut dire une chose. Non, elle s'est fait refaire les seins, mais alors, faut voir maintenant les seins qu'elle a. Parce que Pamela Anderson, elle s'est fait retirer les silicones qu'elle avait. Moi, Gérard, ma tante, elle s'est fait greffer du silicone dans les lobes de l'oreille parce qu'elle pouvait pas mettre de boucle d'oreille. C'est passionnant. Et toi, tu préviens. Mais dégage, dégagé. Toi, tu préviens de te faire aussi. Mais dégagé. Oh, quel acteur. Oh, quel tueur. Oh, la honte. Alors, pensez-vous. Oh, la honte, ces auditeurs. Pensez-vous. Pensez-vous que les patients ont-ils des. Oh, la honte. Allez, Fildar, tu nous fais la surprise, vas-y. Allez, Fildar. Vive. Arrête, Gérard! Attention à toi! Débat, t'oublies qu'il y a des gens qui t'écoutent, assis-toi, fais des enfants. Il fait ça pour lui, c'est un perso. Non, c'est théâtral. Attention à ce que tu fais, toi, là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, attention à toi!